Cette semaine, à la vie en BD, un projet de magazine sur la bande dessinée au Québec, un projet de bande dessinée sur le web via Ici Québec. Également, Pascaline Lefebvre nous explique comment faire. Bon vendredi à tous et à toutes. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30. Toujours un plaisir, évidemment, de vous retrouver pour parler bande dessinée, pour parler du 9e art. Et ben, comme vous l'avez entendu, on en parle dans différentes coutures, notamment format magazine, notamment format web, avec un projet qui a été lancé du côté d'Ici Québec. Philippe Girard sera avec nous pour en parler tout à l'heure. En deuxième partie d'émission, il y aura Pascaline Lefebvre qui sera de passage pour nous présenter son album « Comment faire » qui est présenté du côté de la Pastèque. En fin d'émission, on porte un regard sur des parutions anglophones récentes et moins récentes en compagnie de notre collaborateur Mathieu Place. Alors, un beau menu, bien rempli, bien chargé pour l'émission de cette semaine. Et une émission qu'on se devait également de commencer par un clin d'œil puisque les Joe Shuster Awards 2014 ont été remis le 20 septembre dernier du côté de Toronto. Et parmi les lauréats, ben, plusieurs talents québécois. Alors, ainsi, Sviane a obtenu le prix auteur pour son ouvrage Les Deuxièmes chez Pow Pow. Alors, un excellent ouvrage, évidemment, qui avait remporté, entre autres choses, le prix BDIS Causa. Plusieurs autres récompenses d'ailleurs. Et pour sa part, ben, la dessinatrice Julie Rochelot a été primée pour sa superbe couverture du premier tome de La colère de Fantômas chez Dargo. Et d'ailleurs, si vous avez eu l'occasion aussi d'aller faire un tour sur la page Facebook du Festival de la bande dessinée francophone de Québec, c'est Madame Rochelot qui réalise aussi l'affiche de l'événement et elle mérite largement le détour déjà dans l'état où elle se trouve. Et enfin, dernier clin d'œil québécois au Joe Shuster Awards à Minnie Kim qui a remporté le prix Dragon de la bande dessinée pour enfants avec sa sympathique série Couette, qui en est déjà d'ailleurs au troisième tome. On lui en avait parlé au lancement de la série il y a déjà quelques temps. Ah ben voilà, un honneur également parfaitement mérité, là, un ton de récit léger, presque muet, un dessin coloré, dynamique, bref, dans le registre BD jeunesse, ça mérite le coup d'œil. Et sinon, les autres récipiendaires, ben, prix dessinateur, ça a été remis à Fiona Staples pour Saga, tome 9 à 17 chez Image, prix créateur de BD web à Jade at Casey pour The Fox Sister, prix auto-édition à Stephen Gilbert pour The Journal of the Main Street Secret Lodge. Et enfin, le prix détaillant a été remis à The Comic Lodge de Vancouver. Sinon, prix pour le Temple de la Renommée des comics canadiens. Donc, la bande dessinée canadienne, alors ça a été remis à Cybelle qui a été intronisée, donc Edmund Good également, deux figures marquantes des débuts de la scène comics au Canada, et également Ty Templeton, incontournable à la carrière, ma foi, fort variée, donc qui s'y retrouve également. Alors voilà pour ces clins d'œil et autres clins d'œil, mais qu'on prolongera puisque c'est une très très bonne nouvelle. Alors la revue Planche qui était jusqu'à récemment en campagne de sociofinancement, qui l'est toujours d'ailleurs jusqu'au 5 octobre, eh ben on a vu qu'elle a atteint son objectif donc de 20 000 $ pour démarrer le projet. Alors ça c'est acquis. Évidemment on peut continuer à encourager, à participer à cette campagne et les amener à dépasser le 100%, mais à tout le moins le 100% est atteint, un bel objectif. Et pour en parler avec nous, pour parler du magazine aussi dont la sortie s'en vient très prochainement, on est en compagnie des deux fondatrices de cette publication, Arsandra Wilder et Émilie Dagenais. Bonjour à vous deux. Allô. Alors, ben, je le disais, campagne de financement qui a bien marché, on en est déjà à l'objectif. J'imagine que c'est beaucoup de pression qui est tombée là, au moment où on a vu la barre atteindre les 100%. Oh oui, vraiment. On est vraiment contente. Ben, on est contente surtout qu'on puisse avoir l'occasion d'avoir un peu d'avance sur les prochains numéros. On espère avoir un petit peu plus que 20 000, puis continuer à pousser plus loin. Oui, parce que c'est quand même important aussi de pouvoir prévoir pour les prochains numéros. Là, le premier puis le deuxième, c'est bien beau, mais il faut voir aussi un petit peu plus à long terme que ça. Exactement. Donc là, on est dans le coussin. Si on monte jusqu'à 25 000, jusqu'à 30 000, ben, ce sera un coussin un peu plus confortable. Exact. Oui, c'est ça. Et déjà que c'était quand même un objectif appréciable que vous vous étiez donné. Je ne sais pas si vous le recevez de la même façon que moi, mais j'ai l'impression que le fait d'avoir atteint l'objectif dans des délais quand même assez courts, ça montre qu'il y a un désir de voir ce type de publication de la part du public BD québécois. Oui, ben c'est vraiment un peu notre défi derrière cette campagne. C'est aussi de tester un peu l'engouement éventuel de cette revue. Donc, c'est un défi réussi parce que c'est vraiment ce qu'on voulait. Puis, on est super contente et enjouée de la réponse qu'on a eue. On trouve que c'est vraiment encourageant. Puis, ça nous encourage à continuer à travailler 70 heures par semaine chacune dessus. Donc, c'est ça. Et ça amène à la question qui est quand même incontournable, évidemment. Pourquoi donc choisir de lancer un magazine BD au Québec, mettant en lumière et en évidence les talents québécois? Est-ce que c'est parce qu'il y avait un vide? Oui, ben je pense qu'il y avait un manque à combler, puis ça s'est vérifié. Je pense que tous les auteurs qui ont déjà participé ou qui ont entendu parler de la revue sont vraiment contents. Il n'y a pas que des filles. Et puis nous encouragent parce que j'ai l'impression que ça les soutient et ils sont vraiment derrière nous. C'est assez important, puis c'est surtout qu'en fait la bande dessinée au Québec monte depuis quelques années comme ça en popularité, en production. Donc c'est vraiment important qu'il y ait une plateforme de diffusion supplémentaire en fait pour amener la BD québécoise à aller encore plus loin, et puis surtout que cette vague de popularité ne rebaisse pas puis ne retombe pas platement. Ça serait dommage. Donc, on se perçoit un peu comme en complémentarité, par exemple, avec les éditeurs, les indépendants comme les majeurs, avec aussi les publications web. Donc, c'est un atout additionnel, si on peut dire, d'avoir un magazine. Oui, oui. Notre objectif, c'est vraiment de faire la promotion des auteurs québécois, des talents d'ici, un peu dans tous les styles. Donc, je pense pas qu'on fasse de d'ombre à personne. Et tout le monde est un peu content de notre projet pour ça, parce qu'on c'est pas un projet qui... exclusif, disons. C'est inclusif, puis on essaie de ramener le plus de monde possible, c'est sûr, autour de la qualité, puis de quelque chose de bon, là, de ce qu'on trouve bon. Donc, c'est ça. Et j'ai l'impression, en fait, au Québec, quand on regarde le magazine, il y a toujours eu beaucoup de place pour le satirique, bon, avec Crow dans Les Belles Années, Safarir qui est encore présent, d'autres magazines un peu dans le genre qui ont éclos, il y a eu d'autres initiatives en parallèle, mais sinon, le Québec est quand même peu touché par ce qui est proposé en Europe, où il n'y a pas donc de grande distribution de magazines comme papier, comme la revue dessinée, Fluide Glacial et le reste. Donc, ça reste un médium qui est quand même peu exploité, somme toute, dans la province. Oui, vraiment, vraiment peu. Surtout que, ben, nous, c'est pas seulement sur l'humour. C'est assez. Puis surtout, même en France, en fait, les revues qu'on voit sont souvent affiliées à une maison d'édition et font simplement de la prépublication. Donc, c'est assez exclusif, un peu comme ce que je disais. Alors que nous, c'est vraiment de prendre tous les auteurs du Québec. Et puis, c'est assez particulier parce qu'on a des récits qui sont courts et qui vont pas se suivre de numéro en numéro. Ça va être vraiment un numéro va être unique et avec une vingtaine d'histoires qui sont vraiment très courtes, donc de 6 pages maximum, dans des styles différents, avec des auteurs de à la fois des auteurs publiés qui ont déjà des maisons d'édition, etc., puis à la fois des auteurs qui sont plutôt de la relève, qui ont fait peut-être des fanzines, etc., mais qui sont pas spécialement connus. Donc, dans le fond, on se donne comme ligne éditoriale, c'est la force du contenu. Peu importe le style de ce contenu-là, on cherche la variété, dans le fond. Exactement. Puis à faire découvrir un peu aussi la diversité des talents d'ici. Puis des histoires, en fait, c'est aussi une occasion pour des auteurs de partir dans quelque chose de plus expérimental, de tester d'autres approches graphiques, d'autres approches narratives, etc. Et en attaquant la variété, est-ce qu'il y a un risque que ça manque d'unité ou que la direction artistique du magazine se fasse moins sentir, si on peut dire, comparativement à d'autres publications qui sont très centrées sur un type de médium, un type de ton, etc.? C'est vrai que ça pourrait ressembler à une grosse pizza, mais mais c'est pas ça, je pense, parce que il y a aussi c'est un peu difficile à décrire à ce stade-là, mais c'est Émilie et moi, on a une vision de la bande dessinée assez assez large, mais aussi assez précise en même temps. C'est sûr que On a beaucoup dans le premier numéro, quelque chose qui se rapproche plus du roman graphique, mais on a aussi d'autres choses. Puis c'est vraiment, il y a une qualité, puis aussi quelque chose de prometteur, en fait. Il y a toujours quelque chose, un projet de l'imaginaire. C'est assez difficile à dire. D'une certaine façon, l'idée, c'est de diffuser la BD que vous liriez ou de proposer aux gens un magazine que vous auriez envie de lire, dans le fond. Exactement. Puis c'est aussi que on a une autre... Ça, c'est peut-être pour le volet plus libre, où on fait un appel de projet à chaque numéro, mais on a aussi un volet qui est plus de commandes, où là, on est allé voir des auteurs en particulier qu'on apprécie particulièrement, et on leur a confié un thème qu'ils vont exploiter un peu comme ils veulent. Ils sont assez libres dedans, en deux pages à chaque numéro. Donc on a cinq thèmes au premier numéro. On a politique, histoire de l'art, bouffe et sexologie. Donc c'est un peu vos chroniques, entre guillemets. C'est ça, c'est nos chroniques thématiques. C'est vraiment, c'est toujours en bande dessinée, puis c'est un peu notre manière de nous exprimer, de voir un peu nos... on voulait que ce soit proche de nos valeurs, de notre éthique un peu, puis de notre vision du monde. Oui, parce que d'une certaine façon, ça devient aussi une prise de parole, autant qu'une vitrine pour le milieu, mais c'est une prise de parole aussi pour les auteurs, puis pour l'équipe du magazine. Oui, exactement. Nous, on fait ça parce qu'on aime ça, parce que c'était vraiment... un projet qu'on avait envie de faire, c'est comme un peu la job de nos rêves. Donc, c'est sûr qu'on veut aussi que ça soit imprégné de notre personnalité, de ce qu'on aime, etc., de ce qu'on apprécie, puis ce qu'on veut faire découvrir aux autres aussi. Et j'imagine, pour en arriver là, et en amont aussi, du lancement de la campagne de sociofinancement qui s'est faite au début de l'automne, au début septembre, il y a eu un plan d'affaires de mis en place, il y a eu une grosse planification, donc c'est vraiment, ça fait un bout de temps que vous planchez, jeu de mots voulu, là-dessus, dans le fond. Oui, en fait, notre idée vient de octobre dernier, quand même, puis on a commencé à travailler à temps plein dessus, vraiment, en avril-mai. On a commencé à faire un plan d'affaires, à vraiment essayer de voir les choses à long terme, puis essayer, en fait, de faire un plan viable, de faire quelque chose... on est un organisme à but non lucratif, mais on essaie de voir les choses de manière viable, que ça soit vraiment un projet qui va pas tomber à l'eau d'ici un an, en tout cas on espère, là. C'est difficile à prévoir, mais on essaie vraiment d'avoir travaillé sur tous les aspects, à la fois sur la comptabilité, la promotion, vraiment de prévoir en avance notre affaire, en fait. Et j'imagine dans ça, l'une des clés, au-delà de la planification administrative, c'est la distribution. Est-ce qu'il y a déjà un bon réseau en place en amont du premier? Est-ce que c'est quelque chose aussi qu'on va vouloir développer, renforcer? Oui, c'est sûr qu'on mise beaucoup aussi sur les abonnements sur notre site web, qui sont d'ailleurs encore disponibles sur notre campagne de sociofinancement. Mais aussi, en fait, on va se distribuer nous-mêmes de façon indépendante, donc ça va être en librairie indépendante, surtout, dans des kiosques. En fait, on va fonctionner par contrat de dépôt. Donc, ça va être un peu à chaque numéro, il va y avoir une liste de distribution qui sera disponible sur le site web. Et puis, c'est ça. Ça va être disponible dans le plus de places possible. On a aussi commencé à avoir des abonnements avec certaines bibliothèques au Québec. Donc, on espère que ça va un peu élargir la distribution comme ça. Oui, puis en fait, de voir que d'un côté, les auteurs répondent favorablement au projet, que de l'autre côté, les distributeurs, les libraires répondent au projet favorablement, que même les bibliothèques embarquent, le public via le sociofinancement, ça donne l'impression qu'on... En fait, du moins, ça crée des attentes qu'on ait l'idée qu'on a un cocktail complet, presque, autour de ce projet-là. Oui, c'est vraiment très encourageant, puis en même temps, ça nous donne un peu la pression, parce que ça... il va falloir qu'on assure après. Oui, en fait, faut pas regarder le premier puis dire, ouais, finalement... c'est ça, finalement, je vais partir à Cuba. Parce que là, l'appel du premier, en fait, le premier est essentiellement complété, vous travaillez déjà sur le deuxième? Oui, en fait, le premier a été envoyé à l'impression il y a 2 jours, donc là, on a clenché ça, on est très contente, puis on a vraiment... on est très contente de notre numéro 1, puis le numéro 2, en fait, c'est ça, l'appel de projet pour le numéro 2 termine le 30 septembre. Donc après, on va faire encore une sélection pour le numéro 2. Puis il est supposé paraître en janvier 2015. Et autour de ça, il y a la revue elle-même, donc qui est beaucoup axée sur la BD. Il y a aussi un volet web dans lequel là, il va y avoir un peu plus de chroniques, de textes, d'actualités, de vidéos, etc. Oui, ben le site web, c'est vraiment un work in progress, un peu comme ça qu'on le voit. On va essayer justement de garder dans la revue plus des planches. On va garder vraiment la BD dans la revue. Mm-hmm. Parce qu'on aime quand même le médium imprimé pour lire la bande dessinée pour nous, là. Par contre, sur le site web, tout ce que ça va être comme texte ou comme entrevue, à part dans la revue, il va y avoir les dessous de la création, une espèce de petit dossier de making-of. Mais sinon, sur le site, on va vraiment garder des textes, des articles de fond, des analyses. On invite vraiment aussi les gens à participer en nous envoyant des textes quand même assez bien travaillés. On espère atteindre un certain niveau au fil des mois. Là. En fait, l'idée, c'est de faire une vitrine sur la bande dessinée puis de parler de la bande dessinée sur le site web au Québec. Là. C'est vraiment d'aborder différents sujets. On a beaucoup d'ambition là-dessus. Bon, pour l'instant, on garde ça petit pour l'instant, mais... En fait, il faut se concentrer sur le produit premier qui est le magazine papier. Oui, c'est ça. Ouais. On a beau être des super-héros, on est juste deux, donc c'est ça. Et donc, on le disait en entrevue, donc la visée, c'est de créer quelque chose à long terme, de créer quelque chose qui va marcher, une machine qui va pouvoir se financer ses artisans aussi. Oui, ben j'espère, oui. À la fois, on rémunère déjà les auteurs, on espère pouvoir les rémunérer comme il faut, un peu plus tard. Puis surtout, pour l'instant, on n'est pas payé, nous, mais on espère éventuellement pouvoir le faire un jour. Là. Alors, d'ici là, bien évidemment, sur le web, donc on vous trouve sur Facebook, Revue Planche, sur Google, on cherche Revue Planche, on tombe sur vous, sinon revueplanche.com. La campagne Indiegogo qui se poursuit jusqu'au début octobre. Jusqu'au 5 octobre. Voilà, jusqu'au 5 octobre, donc à laquelle on peut ensuite contribuer, évidemment. Et en attendant, donc, le lancement du volume 1 à la fin du mois d'octobre. Oui, c'est le 23 octobre à Montréal. Alors, on continue de surveiller tout ça et évidemment, on reparlera aussi, on se donnera des opportunités de reparler de ce magazine. Alors, d'ici là, Sandra Vildar, Émilie Dagenais, donc fondatrice de ce projet, de ce magazine, merci à vous deux. Merci à vous. Et bonne fin de journée. À bientôt. Alors voilà, donc, Sandra Vildar, Émilie Dagenais, donc je le rappelle, fondatrice du magazine Planche. Toujours l'écoute de La Vie en BD, Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Et côté musique, cette semaine, on a le EP Get Over It, un EP qui s'appelle Whatever, Why the Hell Not. On vient d'entendre un premier extrait, on en aura un autre en deuxième partie d'émission. Et j'en profite également pour vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur Facebook, facebook.com/ La Vie en BD. Et on parle de projets lancés, qui vont se lancer bientôt. Il y en a d'autres qui ont été lancés tout récemment, tout frais. Depuis hier, sur le site d'ICI Québec et aussi sur le Facebook d'ICI Québec, on peut trouver une bande dessinée qui sera publiée de manière hebdomadaire, qui s'appelle Rita et Riton. Donc, des personnages qui commentent, qui réagissent à l'actualité, des strips qui sont inspirés de l'actualité, qui sont réalisés par Philippe Girard, qui est avec nous pour nous présenter ce projet-là. Philippe, bonjour. Bonjour. Alors, nouveau projet, donc, une BD à chaque semaine, diffusée sur les outils web de la station. D'où est venue cette idée-là? D'où est venue l'idée de cette collaboration-là aussi? En fait, le rédacteur en chef de Radio-Canada Québec, André Duchesneau, Monet, qui m'a comme accroché dans un corridor, qui m'a dit « Hey, on cherche à bonifier l'offre sur le site de Radio-Canada Québec. » Et puis, donc, ils m'ont dit « Ça te tenterait-tu de faire une bande dessinée pour nous? » Alors, ça a démarré comme ça, au retour des fêtes, là, au début de l'année 2014. Donc, au départ, moi, j'ai présenté 4 projets à André Duchesneau qui n'étaient pas du tout, qui n'allaient pas dans la direction de Riton et Rita. Et puis, à un moment donné, j'ai comme senti qu'ils avaient une idée assez précise en tête. En tout cas, on s'est assis, on en a discuté. On voulait beaucoup représenter l'esprit, j'ai envie de dire, de Québec, ou la personnalité d'un Québécois de la ville de Québec type. Et puis, donc, on est parti dans cette direction-là. J'ai creusé un peu de mon côté. En tout cas, on en a beaucoup, beaucoup parlé. Puis, à un moment donné, c'est ça. On a eu l'idée, donc, de mettre en scène un animal, parce que c'est facile qu'on soit un homme ou une femme, de se projeter dans un animal. C'est la raison pour laquelle les Mickey Mouse et Garfield, etc., sont si populaires. Donc, ça a été une piste intéressante. Puis, bon, après ça, je me suis dit, bon, un animal, il faut toujours bien qu'il y ait un maître, une maîtresse. Bon, alors, c'est ça. L'idée a grandi comme ça, naturellement. Mine de rien, là, j'en ai quand même déjà 43 strips de fait. Là. J'ai beaucoup travaillé dans les dernières semaines, même dans les derniers mois, là, à développer ça, puis à trouver le bon ton, puis le bon type d'humour, puis à chercher la bonne manière de toucher le bon public. Là. Alors, c'était un peu de tâtonnement au début, mais en tout cas, c'est ça, on y arrive. Là. Oui, puis j'imagine en fait que c'est le défi d'être assez collé à l'actualité, mais en même temps, pas trop pour, d'un côté, sensibiliser le public à la nouvelle. On va aller creuser peut-être un peu pour savoir, OK, c'est à quoi exactement on fait référence, ou de l'autre côté, de réagir à celui qui est informé. Le mandat, en fait, le défi là, qui m'a été donné au départ, c'était donc de faire un gag à chaque semaine en me basant sur l'actualité de la ville de Québec. Ça, c'est la partie incontournable. Donc, on reste à Québec. Oui, il faut rester à Québec, il faut parler de ce qui se passe à Québec. On considère qu'il y a suffisamment de matière ici avec notre actualité là, de notre ville pour alimenter une BD. Donc ça, c'est déjà le prémisse de départ. Et puis, l'idée maîtresse, si on veut, c'est un peu de faire rayonner notre ville et son actualité et ses gens, ses principaux acteurs à travers la bande dessinée. Tout ça avec une touche d'humour, bien entendu. Mais c'est ça, l'idée est assez simple, en fait. Puis moi, c'est ça, j'ai du plaisir à... Le matin, quand j'ai trouvé... En fait, au début de la semaine, je soumets 2 idées au rédacteur en chef. Lui en choisit une des 2. Et après ça, moi, selon l'idée qui a été choisie, je pars avec mon appareil photo, je vais faire du repérage dans les rues de la ville. Je prends des photos, des objets ou des lieux que je vais représenter après ça dans la bande dessinée. Ce qui est quand même une démarche très intéressante que j'adore déjà au départ. Et puis, j'ai beaucoup de plaisir à mettre en scène l'actualité de la ville, mais j'ai aussi beaucoup de plaisir à la représenter, la ville, parce qu'elle est belle. Parce qu'elle a une signature visuelle qu'on reconnaît. C'est pas juste le Château Frontenac, Québec. Là. C'est bon, maintenant, l'amphithéâtre, le pont de Québec. Il y a un paquet de lieux qui sont tellement typiques que je me semble que j'ai l'embarras du choix. Là. Oui, puis le cadre, en fait, la forme dans laquelle c'est présenté vient aussi distinguer ta démarche de celle de la caricature, par exemple, qui réagit aussi visuellement à l'actualité. Mais là, on est plus dans un cadre BD, justement, BD. Oui, on est absolument dans un cadre BD parce qu'il y a plus qu'une case. La BD, ça commence avec la 2e case. Donc, nous, on en a au moins toujours 3. Ça, c'était quelque chose dont je voulais pas me priver. En plus, on est le seul média qui va avoir une bande dessinée exclusive. Parce que, bon, les Charlie Brown et compagnie, c'est publié dans 1000 journaux à tous les jours. Là. Donc, Riton et Rita, c'est exclusivement pour Radio-Canada Québec. Et bon, c'est ça. Il y a cette contrainte que je trouve fantastique, là, qui est de coller à l'actualité de la ville en faisant le pari, finalement, que même si on n'habite pas à Québec, même si on habite à l'extérieur, au bout du compte, ça va finir par nous intéresser. Oui, puis en même temps, pour toi aussi, j'imagine que l'exercice vient se distinguer, par exemple, de Béatrice, qui avait déjà été publié quand même, je pense, dans des hebdomadaires, des quotidiens. Dans la presse, pendant 2 ans, puis dans le magazine Spirou. Ouais. Mais qui était plus intemporel dans les histoires. Dans les récits, dans ce cas-ci, on est plus dans l'instant, si on peut dire. Mais j'ai envie de dire qu'avec Béatrice, je me suis jamais trop demandé à qui je parlais. Parce que Béatrice, c'était ma fille, puis elle disait des choses drôles que j'avais envie d'immortaliser dans des BD. Au départ, ça a été ça, mon intérêt, si on veut. Tandis que là, j'ai comme une mission plus précise. Je sais à qui je parle, je sais de quoi je dois parler, puis tout ça, c'est encadré par des paramètres, j'ai envie de dire des contraintes très stimulantes, en fait. Et le défi, c'est ça, c'est ça. C'est vraiment d'essayer de sortir de mes pantoufles pour revenir au niveau du local, de ce qui est près de moi. De pas penser, mettons, que je m'adresse à un public qui est très, très loin de moi. Au contraire, je m'adresse au public qui est le plus près de moi, c'est-à-dire mes concitoyens. Puis ça, je trouve ça vraiment assez nouveau, en tout cas pour moi. Très stimulant. Oui, parce que nécessairement, quand on propose un album, encore là, on sait pas exactement, par exemple, pour Love Apocalypse, c'est pas exactement qui va être le lecteur de ça. Donc, tu mets en scène un récit, tu le proposes, tu le soumets. Et dans ce cas-là, effectivement, il y a quand même des profils d'audimat, des informations. Les gens là-bas savent aussi à qui eux parlent, à qui ils s'adressent. Et c'est toujours, comme dans tout média, en fait, l'objectif d'élargir aussi le plus possible les gens et le type de gens qui l'on parle, mais il y a une base qui est connue, qui est étudiée, si on peut dire. Oui, mais encore une fois, moi, je le vois juste comme une façon de sortir de mes pantoufles, dans le sens que produire une bande dessinée qui s'adressait d'abord aux gens de la ville de Québec et qui parle des gens de la ville de Québec, ça, je l'avais jamais fait. Donc, déjà, c'était comme un défi intéressant. Le fait que ce soit un truc récurrent, qui revient une fois par semaine aussi, je trouve ça très, très stimulant. Ça me force comme à une certaine discipline. Et bon, c'est ça, c'est un exercice... je le vois comme un exercice artistique et j'ai envie de littérature. C'est comme un renouveau, en fait, de ma démarche. J'aime beaucoup cette façon-là, juste de sortir des ornières puis de pas rester confiné à des habitudes de travail. Oui, puis en fait, je trouve ça intéressant parce qu'on parlait tout à l'heure aussi du magazine Planche, des initiatives comme celle que tu nous présentes aujourd'hui. Donc, BD sur le web, mais à travers justement la diffusion d'un grand média généraliste. J'ai l'impression que c'est un peu la BD qui essaie de retrouver ou de réaffirmer certaines places qui avaient... desquelles avaient été mises un peu de côté. Je veux dire, dans les médias généralistes aujourd'hui, tu le mentionnais, on n'en trouve plus de produits québécois. Pour une raison économique de manière générale, en fait. Oui, mais ce que je voulais dire, moi, surtout, c'est que les médias généralistes ont un caricaturiste ou une caricaturiste, mais pas une bande dessinée. Mais ceci étant dit, en ce moment, quand même, il faut reconnaître que la littérature ou tout ce qui normalement passait par le livre, il y en a un grand pan qui est en train de glisser vers le web. Bon, moi, j'aime encore les livres, j'ai toujours envie de faire des livres, mais je me suis dit, pourquoi ne pas l'essayer? Pourquoi ne pas oser, finalement... cette nouvelle tendance, puis voir vers quoi ça va déboucher, finalement. Je le vois beaucoup comme une façon... C'est pas une façon de suivre le train, mais c'est une façon de pas regarder le train passer en restant debout sur le quai, quand même. Et est-ce qu'on espère tenir l'initiative pendant un an, pendant 6 mois, ou on fait l'automne, puis on voit combien il y a de clics, puis après ça, on réajuste? Non, quand même. L'idée, c'est de... Le train lancé, là, l'idée, c'est de le laisser rouler longtemps. Là. Je pense que l'objectif, c'est vraiment que ça dure, ce projet-là, puis que ça s'inscrive dans la durée, clairement, là. De créer le réflexe, dans le fond, de dire, OK, c'est jeudi soir, il est autour de 18h40, 19h, OK, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a mis en ligne. C'est ça, à tous les jeudis soirs, vers 18h30, donc sur la page Facebook de Ici Québec, il y aura la bande dessinée de Riton Rita qui sera publiée. C'est le premier rendez-vous qu'on donne aux gens en ce moment. Éventuellement, il y aura sans doute aussi un lien vers le site web de Radio-Canada. Mais pour l'instant, c'est vraiment sur la page Facebook de Ici Québec. Là, si vous avez un compte Facebook, tapez Ici Québec. Vous allez voir le petit logo de Radio-Canada. Sinon, facebook.com/ici-québec. Besoin. Je pense que c'est des profils publics, donc même pas besoin d'être membre. Et puis, vous allez pouvoir voir la page, là, la bande dessinée, là, à ce moment. Il y en a déjà, en plus, quelques-unes. Ouais, donc, ça fait depuis fin août que tu travailles là-dessus. Plus longtemps, mais il y en a 5, 6, 7. C'est ça. Les archives, en ce moment, comptent 6 ou 7 BD, là. Et, évidemment, l'idée, c'est qu'on soit encore capable de reconnaître, ou en tout cas, de se rappeler quel est le sujet dont il est question dans la bande dessinée. Parce que l'actualité, évidemment, ça s'inscrit dans le moment présent, donc il faut ce qui s'est passé ici il y a 3 mois, pour certaines personnes c'est peut-être un peu moins d'actualité, mais oui, c'est ça. Donc il y a quelques archives en ce moment qui sont en ligne, mais surtout sur la page de Facebook de Ici Québec, vous avez la BD qui a été publiée hier, qui est comme la nouveauté de la semaine. Et la question qu'on demande toujours en terminant, Philippe, quand on parle d'un projet BD, est-ce qu'éventuellement on aimerait qu'il y ait une compilation livre, un recueil, un peu comme les caricaturistes font à chaque année? Parce qu'il y a des gens qui l'ont demandé là sur la page Facebook hier et aujourd'hui. Moi, c'est, évidemment, je serais enchanté que ça se fasse. Là, comme je vous disais tantôt, je demeure un amoureux des livres, donc chaque fois que je peux faire un livre, là, je trouve ça fantastique. Mais je crois que oui, je pense que c'est pas exclu. On va voir aussi quelle est la demande, comment les gens réagissent, mais pourquoi pas. Et d'ici là, on profite donc de la capsule qui a été mise en ligne hier, de celles qui sont disponibles dans les archives et le rendez-vous quotidien, je le rappelle, les jeudis autour de 18h30 sur facebook.com/ici-québec. Philippe Girard, merci beaucoup. Merci à vous. Et nous, on se dit à très bientôt parce que tu lances un livre fin octobre. 21 octobre, oui, La Grande Noirceur. Alors, on s'en reparle. Très bien. Et nous, on prend une courte pause et on revient tout de suite après, toujours ici sur les ondes du 89.1 CKRL. Après s'être fait remarquer au Festival en chanson de Petite-Vallée, au Festival de l'Outaouais émergent et au Festival Off de Québec, La Bronze présente son premier album. Tu me pris en avion de papier. Forte de sensualité, doucereuse et exquise, La Bronze est de ces artistes qui nous ensorcellent voluptueusement. Enveloppé par une musique pop-rock parée de scintillements électro, ce premier opus réunissant 12 morceaux est un hymne à l'amour, au rêve, au désir, à la convoitise. Un album qui devient une fascinante romance. Le premier album homonyme de La Bronze, en magasin et en téléchargement, dès maintenant. Pour son numéro d'automne, le magazine culturel et artistique Bazar nous parle du théâtre québécois et de ses succès à l'international. Parce qu'étonnamment, le théâtre de Québec semble être bien connu et que la ville abrite une mine de talents insoupçonnés. Connaissez-vous Jean-Nicolas Marquis, Kevin McCoy et Marie-Josée Bastien? Pour découvrir leur vision artistique ainsi que celle de nombreux autres ambassadeurs de notre théâtre, lisez Bazar. Disponible gratuitement chez 300 partenaires participants. Pour plus d'infos, bazar.qc.ca. Le triplex suspendu, un lieu privilégié pour les familles, les écrivains, les étudiants, les amoureux, les travailleurs. S'il pouvait parler, il vous raconterait des histoires. De parents heureux, les étudiants faisant la révolution autour d'une bière, le son des pieds qui dansent lors des spectacles. Ah, le triplex suspendu, bistrot culturel, familial et festif. Socialement responsable, musicalement chaud. Je t'aime, les moelleux. M'aimes-tu? Pour une troisième année, la Ligue québécoise d'impro BD prendra d'assaut la scène du Cercle pour présenter ses affrontements mensuels. L'impro BD, c'est un spectacle unique unissant jeux, dessins et musique où tout est mis en place pour tirer le maximum du talent et de l'imaginaire des joueurs. Prochain match, dimanche 26 octobre, 20h au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est. Entrée, 5$. La Ligue québécoise d'impro BD est une présentation du Festival de la BD francophone de Québec en collaboration avec CKRL. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10 % à chaque fois que vous faites un achat au Théâtre de la Bordée, au 315 rue Saint-Joseph-Est. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. 89.1 Raymond Poirier, toujours avec vous sur les ondes du 89.1 CKRL. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission La vie en BD. Et grosse émission cette semaine, et grosse émission aussi la semaine prochaine. Je vous le mentionne au passage, la semaine prochaine, on aura le plaisir de passer une heure en compagnie de l'auteur européen Lewis Trondheim, qui était de passage à Québec un peu plus tôt cet été, alors une entrevue enregistrée à cette occasion. Alors ce sera donc la semaine prochaine, le vendredi 3 octobre, à compter 17h30, où on a le plaisir donc d'échanger pendant une heure avec Monsieur Trondheim. Et sinon, je vous invite aussi à aller faire un tour sur le blog lavieenbd.wordpress.com si vous voulez réécouter des entrevues ou aller vous promener dans nos archives. Eh bien, c'est possible de le faire. Et sinon, on est toujours un peu, en début d'année comme ça, en début d'année radiophonique, en mode rattrapage sur certaines parutions qui sont arrivées sur les étals des libraires il y a de ça quelques semaines. C'est le cas d'un livre à la mauvaise tête qui s'appelle « Comment faire ?». Il est de Pascaline Lefebvre et l'autre est avec nous pour nous en parler. Pascaline Lefebvre, bonjour. Bonjour. Et peut-être d'emblée, en fait, comment faire, comment on décrit un peu cet ouvrage-là, comment on le présente? Parce que c'est un peu, j'ai l'impression, un hybride entre illustration et bande dessinée. Oui, c'est bien ça. Ben, dans le fond, c'est beaucoup de sketchs que j'ai fait. J'ai découvert la BD il n'y a pas très longtemps. J'ai fait, dans le fond, j'ai un diplôme en design graphique. Puis, je travaille en publicité et je fais des illustrations dans mes temps libres. Donc, je reçois des contrats, puis je dessine avec des contrats. Mm-hmm. Et puis, j'ai découvert récemment la bande dessinée. Puis, comment faire, c'est un petit peu... pour moi, c'est le début de ça sonne un peu quétaine, là, mais c'est le début d'une passion. Puis dans le fond, l'éditeur et moi, on a sélectionné des sketchs qu'il y avait dans dans un cahier de sketch, puis on l'a mis en page. Oui, donc c'est des traits, c'est des dessins, des histoires qui ont été réalisées au fil des mois, que ce soit en atelier, en déplacement, à la maison. L'idée de se lâcher un peu, de sortir un peu du cadre imposé de contrats précis, puis de faire un peu ce qu'on a envie de faire. Ouais, exactement. Et j'imagine qu'en termes de dessin, ça veut dire que ce qu'on a dans Comment faire, et si on observe par exemple le travail d'illustration que tu fais, ça vient se distinguer un peu. À la limite, si je me trompe pas, c'est quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus abstrait dans Comment faire que dans ton travail habituel. Oui, c'est vraiment c'est une façon pour moi de en fait c'est comme un travail sans aucune barrière. C'est pas drôle de décrire, justement, de dire le mot « travail », hein, parce que pour moi, c'est un peu c'est comme du gâteau. C'est une façon de me gâter, puis de comme il n'y avait aucune... dans le fond, j'étais libre de faire ce que j'avais envie de faire. Comme au départ, non plus, c'était pas je m'étais pas dit « bon, ben, je vais faire un livre ». C'est vraiment ça s'est adonné que que les auditeurs étaient, je les ai rencontrés, puis ça a cliqué, puis c'est ça. Donc c'était pas, c'était vraiment pour le plaisir. Puis dans le fond, justement le style qui en ressort, c'est rien de construit. Puis je me suis dit, bah j'avais plus envie de dessiner trop des visages ou des personnages, des humains communs. Je sais pas ce que c'est exactement, mais quoi, j'ai eu du plaisir à le faire. Puis et puis je vais sûrement continuer dans cette lignée-là. Je vais voir. Oui, en fait, quand on découvre un médium comme ça, on dirait qu'on a envie de trouver un peu de quelle manière, au niveau du trait, au niveau de l'approche, trouver notre style d'une certaine manière, donc se découvrir aussi soi-même. Ouais. Puis je pense que c'est la partie, moi je trouve que c'est la partie la plus agréable de prendre un crayon puis de juste se laisser aller puis de pas se mettre de la pression, puis c'est vraiment agréable. Tu sais. Je pense que c'est une... Pardon. Vas-y. Ah non, c'est bon. En fait, j'allais dire, ça s'en ressort aussi, j'ai l'impression, au niveau des histoires, dans la mesure où je mentionnais tout à l'heure que c'était un peu en BD puis illustration, mais aussi dans la forme, dans ce qui est présenté, c'est très éclaté. Il y a des histoires qui sont un peu plus BD, il y a des trucs en une case, il y en a d'autres en une case, en une page, il y en a d'autres en quelques pages. Et en même temps, on a l'impression que c'est pas non plus... toujours des histoires avec un début, une conclusion, puis une fin. Des fois, on a le milieu, on a un instant, on a un flash, on a un moment, et ce moment-là devient l'histoire, donc indépendamment de son intro, de sa conclusion, indépendamment d'où il se situe dans un fil narratif, entre guillemets, standard. Mm-hmm. Ouais, exactement. Puis je pense que c'est pour parler du livre en tant que tel, il faut un peu s'y prêter au jeu. Je sais que c'est pas quelque chose, justement, comme c'est décousu, ça plaît pas tout le monde. Il y a des gens qui préfèrent dans une lecture avoir quelque chose d'assez rationnel, puis comme tu viens de dire, avoir un c'est le fameux schéma narratif, mais c'est pas ce qu'on retrouve dans ce livre-là, ou du moins des fois peut-être que des fois c'est un petit peu plus construit, donc il y a certains personnages qui reviennent, mais il y a quand même c'est assez flou comme l'objet en tant que tel au final est assez gris, c'est pas blanc ni noir, puis je sais pas, y a rien de concret qui est raconté, puis je trouve que c'est un peu, généralement ça reflète un peu le monde dans lequel on vit là, pour essayer de se prendre comme si je me prenais un peu au sérieux là, mais ce livre là pour moi c'est juste l'expérimentation, puis après si on aime tant mieux, puis si on n'aime pas ben c'est pas grave, puis peut-être justement avec les critiques qu'il y a, puis ben il y en a pas eu énormément, mais j'en ai lu une cette semaine qui était assez négative, puis en fait c'est il y avait des excellents points là-dedans, puis dans le fond ça me guide juste pour le prochain, ou en tout cas on va voir qui va se suivre après. Oui, mais en même temps, c'est ça, c'est comme tu le dis au départ, c'est que pour entrer un peu dans l'univers que tu nous proposes là-dedans, faut se prêter au jeu du décousu, du lancer, de l'ambiance, dans le fond, qui s'en ressort, parce qu'au bout du compte, au-delà du récit, il y a l'ambiance qui est offerte par le dessin, par le propos, où on a, c'est de l'humour à l'angoisse, à la limite, aussi, là, on rit pas toujours à éclat, on rit en pleurant non. des fois on rigole solide, Mais reste qu'il y a un petit quelque chose, comme tu disais tout à l'heure, un peu d'angoissant par rapport à notre société qui ressort de tout ça. Oui, l'angoisse, c'est aussi, je sais que ça dépend de personne en personne, mais pour ma part, l'angoisse et le stress, c'est une grande partie de ma vie, puis je pense que je connais beaucoup de gens qui sont comme moi aussi, puis dans le fond, c'est quelque chose qu'on met pas tant en premier plan, généralement, dans les livres ou dans les histoires en général, c'est pas, malgré que dans l'humour c'est assez présent, mais en tout cas. Oui, puis dans ton cas, enfin, à la limite, si on voulait vraiment le faire entrer dans une boîte côté qualificatif d'humour, j'aurais tendance à dire absurde. Oui. Je suis assez d'accord. Et le titre l'indique aussi d'ailleurs, dans la mesure où on répond pas à la question comment faire, c'est au bout du compte c'est là, mais c'est pas, ça donne le ton pour la balance, on peut dire. Mm-hmm. Oui, puis c'est aussi un défi, c'est un peu nono à dire, mais justement le fait que ce soit super décousu, d'essayer de, tu sais, dans le fond, d'en faire un objet, c'est en soi assez, en fait, moi ça me fait bien rire, parce que c'est ben, c'est quelque chose d'assez physique et d'assez concret pour dans le fond des pensées ou des dessins qui sont faits de façon très spontanée puis c'est irréfléchi parfois. Donc ou sinon une irréflexion organisée comme dans le centre du recueil, il y a plusieurs tableaux improbables, donc ouais. des graphiques, des éléments comme ça, donc on s'amuse aussi un peu à pousser l'absurde de ce côté-là. Et ça rajoute à la variété encore là, donc on s'y attend pas trop, on donne un ton, puis whoop, on tombe sur un lot de tableaux comme ça, c'est avant de retourner en mode illustration et BD par après. C'est un livre qui, j'imagine, se feuillette plus qu'il se lit, justement, du fait que ce soit pas, il n'y a pas un ton constant, ou donc c'est vraiment ça, c'est se prêter au jeu, là. Et en même temps, en termes de traits, Pascaline Lefebvre, il reste que les personnages qui sont là, c'est un trait qui est expressif, mais qui est simple aussi. L'idée, c'est j'ai l'impression, en fait, on cherche un trait qui est efficace dans son côté narratif, là. Oui, avec... dans le fond, les personnages ont très peu pour exprimer. Il n'y a pas de sourcils, il n'y a pas de nez, il n'y a pas... Je pense qu'il y a seulement des oreilles, des yeux et une bouche. Dans le fond, l'objectif, c'est d'essayer de passer des émotions. Pas qu'il y en ait énormément non plus, mais c'est comme un petit défi. Ou pour moi, c'est aussi pour faire changement de... pour prendre le même ton. J'ai de la difficulté à m'exprimer, mais c'est pour dire que c'est pas sérieux, dans le fond. C'est une démarche qui est pas très sérieuse, jusqu'au dessin lui-même. Et en même temps, si on tombe un peu dans le méta, comme tu disais tout à l'heure, avec les angoisses, regard un peu social, à la limite, c'est un peu aussi, c'est tous des êtres qui sont similaires puis qui revendiquent une certaine particularité qu'ils n'ont pas, un peu dans le contexte d'une société où on cherche à se démarquer en se conformant d'une certaine manière. Ouais, c'est une bonne réflexion. Et à l'intérieur de ça, justement, est-ce que t'as l'impression que tu t'es amusé un peu ou qu'instinctivement, peut-être, t'en es venu à ces pistes-là de par, justement, tes racines plus publicitaires, que ça t'a lancé sur ce type de réflexion, de propos-là? Oui, tout à fait. C'est une coupure, dans le fond, de tout ce qui est sérieux dans la vie. Je sais pas comment continuer sur ce sujet-là, mais je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir, en tout cas, à faire ce livre-là. Puis j'espère qu'en le lisant aussi, c'est de le lire avec... C'est un livre qui peut pas être stressant. Ça peut pas être un objet stressant pour le lecteur, parce que c'est rigolo. Puis, en tout cas, j'espère que ça l'est, là. La vie de tous les jours est pas toujours facile, donc c'est un objet facile puis agréable. C'était mon objectif, en tout cas, en faisant en travaillant ensemble. Et on invite les gens à voir, à aller plonger dans votre univers pour voir les constats, les regards et l'univers absurde que vous construisez, que tu construis donc dans Comment faire. Je rappelle, c'est à la mauvaise tête. Pascaline Lefebvre, merci beaucoup. Merci beaucoup, Raymond. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. Alors, je rappelle Comment faire, donc, de Pascaline Lefebvre, qui est disponible à la mauvaise tête. Vous êtes toujours à l'écoute de La vie en BD. Et voilà donc à la vie en BD un autre extrait de la formation Get Over It tiré de leur EP Whatever, Why the Hell Not, qui est disponible sur Bandcamp. Et là-dessus, ben, je vous rappelle d'abord, si vous voulez me suivre et me suivre mes aventures de type blog sur mes opinions et le reste et l'actualité BD, ben c'est possible de le faire donc sur voir.ca/Raymond-Poirier. Et là-dessus, ben on accueille, on va commencer au fil des prochaines semaines à accueillir à nouveau nos collaborateurs réguliers. Et cette semaine, on accueille de retour parmi nous Mathieu Place. Bonjour. Salut tout le monde. Salut Raymond. Bien content d'être là pour pouvoir parler BD avec vous autres. Et on reste évidemment dans la bande dessinée anglophone pour une nouvelle année. Et tu commences. Je pense qu'on va se lancer immédiatement. Trois propositions cette semaine. On commence avec un livre de Michael DeForge. Oui, c'est ça, Michael DeForge. Alors, ça vient tout juste d'apparaître à Koyama Press, que je connaissais pas, mais bon, c'est assez intéressant. La bande dessinée s'appelle A Body Beneath. Et c'est complètement psychédélique, c'est complètement fou. C'est une sorte de bande dessinée que j'ai l'impression que c'est une sorte d'histoire qu'on peut juste faire en bande dessinée. C'est-à-dire que le style de la bande dessinée elle-même, c'est du dessin très simple, alors avec des personnages avec des gros yeux, des traits qui sont fins. Bon, on pense par exemple à, je sais pas, le trait de Hergé, mais avec un petit twist un peu plus actuel, un peu plus underground si on veut. Alors c'est des personnages très simples, attachants là, avec des yeux qui font que c'est des personnages cute, mais avec ça il y a une espèce de twist qui s'en vient qui fait que ça explose complètement là au niveau de l'histoire. C'est-à-dire que ces personnages là, bon ben ils vont avoir ces traits là qui sont très simples, mais par la suite, il va avoir toutes sortes de détails étranges, des espèces d'infections qui vont s'ajouter à leurs traits, des protubérances, dans le décor, il va avoir des arbres étranges et puis il va avoir des créatures étranges qui vont se promener au travers de tout ça. Alors, ça fait complètement exploser l'histoire et puis ça devient vraiment psychédélique. Alors, par exemple, vous avez l'histoire d'un personnage qui découvre un petit garçon avec un beau chapeau avec une étoile dessus, tout simple. Et puis, il se promène, il trouve dans une cour de récréation, trouve un cadavre de cheval. Alors, c'est ça. Je veux pas dégoûter les gens qui nous écoutent en mangeant, mais c'est ça. Il trouve le cadavre en question et puis il trouve que, il y a des bébites qui sont à l'intérieur, des espèces de petites araignées qui sont bien cute, mais qui sont en train de manger le corps de l'animal. Et éventuellement, ces araignées-là vont soulever la tête du cheval et les araignées couplé avec la tête vont devenir l'animal de compagnie du petit garçon qu'ils ont trouvé. Alors il va se promener partout dans la ville avec ses araignées puis sa tête de cheval. C'est ça. Et puis bon, la tête de cheval va être son ami. Puis il va, par exemple, à un moment donné, le petit garçon va rencontrer des méchants de son école, là, des bullies, qui vont essayer de l'attaquer. Puis bon, l'animal de compagnie va venir le défendre là, d'une manière un peu saugrenue. Là. En fait, c'est un peu. En fait, l'animal va comme cracher une substance étrange là, qui va défendre le petit garçon. Alors, il va avoir une espèce de relation d'amitié qui va se développer entre ces deux personnages-là. Mais c'est complètement décalé, évidemment. De par la thématique au départ de la chose. Ouais, exactement. C'est complètement décalé. Il y a plusieurs histoires qui sont au travers de cette bande dessinée là. Vous avez en fait une collection d'histoires qui ont été publiées par Michael DeForge là dans différentes publications underground. Alors vous avez par exemple une histoire où vous avez des personnages qui sont en espèce d'habits de sadomaso là si on veut là, mais en fait ce sont des habits sadomaso. C'est juste ça. Il y a pas vraiment de personnages à l'intérieur. Et puis bon, ils vivent leur aventure comme n'importe qui. Et puis ça continue une vie tout à fait normale là, au travers de leurs aventures. Vous avez toutes sortes d'histoires avec des coupes de cheveux qui deviennent vivantes, des personnages qui se transforment. On reste dans le même temps, En fait, il y a une belle unité dans ce recueil-là. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis moi, ce que je trouve fantastique, c'est que ça réussit à exploiter une des qualités de la bande dessinée, c'est qu'avec juste avec le dessin, avec le style du dessin, avec un mélange de dessin très simple, très normal, attachant, couplé avec un dessin complètement fou, complètement psychédélique, ben les deux vont renforcer l'un et l'autre. Là. C'est-à-dire que dans une case, vous avez un personnage qui a l'air tout à fait normal, et puis dans la même case, ben, il va y avoir une espèce de bibitte étrange qui va être complètement folle. Alors, le personnage a l'air encore plus normal et puis la bibitte a l'air encore plus étrange. Mm-hmm. Là, ça fait des contrastes vraiment intéressants. Alors, je vous le conseille, si vous aimez là, les affaires complètement folles, A Body Beneath de Michael DeForge. Deuxième titre, Too Cool to be Forgotten d'Alex Robinson. OK, alors celui-là, il est vraiment, vraiment fantastique. Là. Je vous dirais que c'est rare qu'une bande dessinée me donne des émotions. Alors, celle-là m'a donné des émotions. Ça m'a vraiment touché. Ça s'appelle Too Cool to be Forgotten. Donc, c'est de Alex Robinson. Et puis, en fait, c'est la mise en image d'un fantasme qu'on a souvent, là, en tout cas, moi, personnellement. C'est de revivre des événements de mon passé, mais avec les connaissances que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire d'utiliser les connaissances que j'ai acquises au travers des âges, là, de peine et de misère, et puis de revivre, par exemple, des moments de mon adolescence. Si j'avais su comment faire, j'aurais fait. C'est ça. Si j'avais su, si j'avais pas été aussi pogné, aussi stupide, aussi peu expérimenté avec la vie, ben j'aurais fait les choses autrement, puis ça aurait été autrement. Mais bon, on sait c'est quoi la dynamique là-dedans. Si j'avais su quoi faire à l'époque, ben j'aurais peut-être pas appris la leçon que je connais maintenant. Là. C'est en faisant des erreurs qu'on les apprend. Alors, ce personnage-là, il s'en va. Il y a 40 ans, d'accord? Il commence l'histoire il y a 40 ans. Il s'en va voir une personne qui fait de l'hypnose, un médecin qui va l'aider à arrêter de fumer. Alors, bon, il croit pas trop à cette situation-là. Il se dit, bon, c'est l'hypnose, ça marche pas, tout ça. Il s'en va voir le docteur. Le docteur le met dans une espèce d'état second. Et puis, ça lui permet d'aller voyager dans son adolescence avec la conscience d'un homme de 40 ans. Alors, au début, ben, évidemment, il est un peu étonné. Puis, il se rend compte, à un moment donné, il se dit, bon, ben, ça doit être pour m'aider à arrêter de fumer. Parce que je me souviens qu'il y a un party où j'ai commencé à fumer. Alors, ce party-là, s'en vient dans ma vie d'adolescent. Et puis là, j'ai juste à décider de pas arrêter de fumer. Et puis là, je vais pouvoir passer à autre chose. Puis je vais sortir de mon sommeil hypnotique. Mm-hmm. Alors, évidemment, il y a cet aspect-là, mais il y a toutes sortes de choses qui vont apparaître au travers de son séjour en adolescence. Et puis, ben, c'est assez intéressant, là, justement, parce qu'on voit un personnage qui, bon, là, il est pas gêné pour aller parler aux filles. Il se rend compte que ses amis, qui trouvaient bien drôle à l'époque, ils ont peut-être des conversations qui sont pas assez... Ouais, enfin, on sent le décalage. On sent le décalage. Puis, bon, il se rend compte aussi que, bon, il y avait des personnes qui trouvaient peu sympathiques, qui étaient sympathiques, et des personnes qui étaient sympathiques, qui étaient plus sympathiques. En tout cas, il refait une espèce de voyage, et puis c'est assez intéressant là, de pouvoir vivre ça au travers de son regard. Et il y a beaucoup de bulles de pensée, hein, tu sais, des petits nuages, là. Alors c'est vraiment couvert de bulles de pensée, alors on voit vraiment les pensées du personnage, et puis au travers de ça, il y a comme un mystère, là. Tu sais, il y a beaucoup de personnages viennent le voir, puis ils disent « ça va être correct », on sait pas c'est quoi ce qui se passe, puis bon, c'est assez intéressant. Ouais. Alors ça, je le rappelle, c'est « Too Cool to be Forgotten » d'Alex Robinson, et en terminant, il nous reste un petit 2 minutes. Mm-hmm. Donc, pour peut-être un dernier titre, un clin d'œil à un album de Seth, « It's a Good Life If You Don't Waken ». Seth, un incontournable, évidemment, de la scène BD canadienne. Oui, excellent BDiste. Je vais vous dire, j'ai pas tout lu de Seth. Je connais son style. Mais je vais vous dire, « It's a Good Life If You Don't Waken », c'est du très bon dessin, mais en tout cas, on dirait que j'ai pas compris l'histoire. En fait, c'est que l'histoire, il se passe pas grand-chose. On a un personnage principal qui cherche des informations sur un vieux BDiste qui aurait écrit dans des bandes dessinées dans le New Yorker. Et puis tout au long de la bande dessinée de 170 pages, ben il va chercher des informations sur ce BDiste-là. Et puis il va rencontrer des personnages avec tout le temps des espèces de scènes sans conséquences où il va aller chercher des informations. Par exemple, il va aller rencontrer la mère du BDiste en question. Et puis la mère du BDiste va dire, ben j'ai pas vraiment d'informations à vous dire par rapport à mon fils. Il va rencontrer la fille du BDiste. J'ai pas vraiment d'informations à donner par rapport à mon fils. Et puis, il va rencontrer toutes sortes de personnages. Une blonde avec qui il va passer peut-être deux jours. Après ça, elle va le quitter. On ne sait pas trop ce qui se passe. En fait, c'est l'impression que j'ai, c'est que c'est vraiment un exercice sur comme le vide. Le vide de la vie, le vide du... Et ça se ressent un peu c'est trop ça. Peut-être. Ben, c'est ce que je trouve. Là. Je trouve que 170 pages de dessins extraordinaires pour pouvoir arriver à cette conclusion-là, ben, je trouve ça un peu étrange, mais... C'est surtout quand on sait la somme de travail que ça nécessite, ben, je veux dire, c'est exactement, immense, là, c'est ça. Là, on sait à quel point des bandes dessinées, là, c'est long et difficile à faire. Là. C'est un des arts là, qui demande le plus de patience et de travail. En tout cas, j'ai l'impression peut-être que j'étais pas dans le bon esprit, mais si vous voulez une bande dessinée qui est, comment dire, sur le vide de l'existence, l'espèce de ambiance molle d'une vie normale, eh bien, ça peut être intéressant. Au travers de ça, on voit aussi des paysages canadiens, on voit la vie au Canada, en Ontario. Et puis, il y a des beaux dessins, là. C'est sûr que c'est extraordinaire avec un vieux style années 40, années 50. Mais c'est ça. Et attendez-vous pas à des punchs, là, à pu finir. C'est assez mollo. Alors, peut-être un petit dimanche après-midi, là, vous pouvez lire ça tranquillement. Et d'ailleurs, en fait, si les gens veulent en savoir un peu plus sur cette, j'ai mis en ligne sur le Facebook de l'émission, facebook.com, La Vie en BD, la bande-annonce d'un film sur le Dominion de Seth, donc, qui va être produit à l'ONF, un film de Luc Chamberlain, donc vraiment une incursion dans le monde de cet auteur-là qui mérite d'être vu. Oui. Donc là, pour l'instant, on a la bande-annonce. On verra pour la suite. Et d'ici là, ben, comme tu le dis, donc, It's a Good Life, If You Don't Weekend de Seth, probablement pas son meilleur. Ben, en tout cas, vous savez à quoi vous attendre. Là. C'est pas une montagne russe. Et Mathieu Place, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et nous, on se dit, chers auditeurs, auditrices, à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on passe 60 minutes avec Lewis Trondheim. Alors, c'est Raymond Poirier avec vous à La Vie en BD. Et dans quelques instants, ben, on poursuit la soirée à CKRL avec Swing Out.